L'Excipéuse, livre deuxième. Chapitre 7, troisième période du livre de Bakoun. Les prêtres, les vieillards et les chefs ont dans l'émerveillement écouté mon récit. Jusqu'au fond des solitudes, les coureurs sont allés répéter la bonne nouvelle. Le grand conseil a ordonné aux guerriers de se réunir à la sixième lune de l'an 22649 dans la plaine de Mehur Hazar et les prophètes ont prêché la guerre sacrée. Plus de 100 000 guerriers à Helal sont accourus. Un grand nombre de combattants des races étrangères, Zoum, Sar, Kald, attirés par la renommée, sont venus s'offrir à la grande nation. Xur a été cerné d'un décuple rang d'archer, mais les flèches ont toutes échoué devant la tactique Xipéuse et des guerriers imprudents, en grand nombre, ont péri. Alors, pendant plusieurs semaines, une grande terreur a prévalu parmi les hommes. Le troisième jour de la huitième lune, armé d'un couteau à pointe fine, j'ai annoncé aux peuples innombrables que j'allais seul combattre l'Excipéuse dans l'espérance de détruire la défiance qui commençait à naître contre la vérité de mon récit. Mes fils, Loum, Demia, Anacre, se sont violemment opposés à mon projet et ont voulu prendre ma place. Et Loum a dit « Tu ne peux pas y aller, car toi mort, tous croiraient l'Excipéuse invulnérable et la race humaine périrait. » Demia, Anacre et beaucoup de chefs ayant prononcé les mêmes paroles, j'ai trouvé ces raisons justes et je me suis retiré. Alors, Loum, s'étant emparé de mon couteau à manche de corne, a passé la frontière mortelle et les Xipéuses sont accourus. L'un d'eux, beaucoup plus rapide que les autres, allait l'atteindre, mais Loum, plus subtil que le léopard, s'écarta, tourna le Xipéuse, puis d'un bond géant, rejoignit et darda la pointe aiguë. Les peuples immobiles virent crouler, se condenser, se pétrifier l'adversaire. 100 000 voix montèrent dans le matin bleu, et déjà Loum revenait, franchissait la frontière. Son nom glorieux circulait à travers les armées. 2. Première bataille. L'an du monde 22649, le septième jour de la huitième lune. À l'aube, les cors ont sonné. Les lourds marteaux ont frappé les cloches d'airain pour la grande bataille. 100 buffles noirs, 200 étalons ont été immolés par les prêtres et mes 50 fils ont avec moi prié l'unique. La planète du soleil s'est engloutie dans l'aurore rouge. Les chefs ont galopé au front des armées. La clameur de l'attaque s'est élargie avec la course impétueuse de 100 000 combattants. La tribu de Nazum a, la première, abordé l'ennemi. Et le combat a été formidable. Impuissant d'abord, fauché par les coups mystérieux, bientôt les guerriers ont connu l'art de frapper les Xipéuses et de les anéantir. Alors, toutes les nations, Zahelal, Zoum, Sar, Kald, Xizoastre, Pyarvan, grondantes comme les océans, ont envahi la plaine et la forêt, partout cernés les silencieux adversaires. Pendant longtemps, la bataille a été un chaos. Les messagers venaient continuellement apprendre aux prêtres que les hommes périssaient par centaines, mais que leur mort était vengée. À l'heure brûlante, mon fils Sourdar, aux pieds agiles, dépêché par Loum, est venu me dire que pour chaque Xipéuse anéanti, il périssait 12 des nôtres. J'ai eu la main noire et le cœur sans force, puis mes lèvres ont murmuré. Qu'il en soit comme le veut le seul Père. Et m'étant rappelé le dénombrement des guerriers, qui donnait le chiffre de 140 000, sachant que l'Excipéuse s'élevait à 4 000 environ, je pensais que plus du tiers de la vaste armée périrait, mais que la terre serait à l'homme. Or, il aurait pu se faire que l'armée n'y suffit pas. « C'est donc une victoire, » murmurai-je tristement. Mais comme je songeais à ces choses, voilà que la clameur de la bataille fit trembler plus fort la forêt, puis, en grande masse, les guerriers reparurent et tous, avec des cris de détresse, s'enfuyait vers la frontière de salut. Alors je vis l'Excipéuse déboucher à l'orée, non plus séparés les uns des autres comme au matin, mais unis par vingtaines, circulairement, leurs feux tournés à l'intérieur des groupes. Dans cette position, invulnérables, ils avançaient sur nos guerriers impuissants et les massacraient épouvantablement. C'était la débâcle. Les plus hardis combattants ne songeaient qu'à la fuite. Pourtant, malgré le deuil qui s'élargissait sur mon âme, j'observais patiemment les péripéties fatales dans l'espoir de trouver quelque remède au fond même de l'infortune, car souvent, le venin et l'antidote habitent côte à côte. De cette confiance, dans la réflexion, le destin me récompensa par deux découvertes. Je remarquai premièrement, aux places où nos tribus étaient en grande multitude et les Xipéus en petit nombre, que la tuerie, d'abord incalculable, se ralentissait à mesure que les coups de l'ennemi portaient de moins en moins, beaucoup de frappés se relevant après un bref étourdissement. Les plus robustes finissaient même par résister complètement au choc, continuant à fuir après des atteintes répétées. Le même phénomène se renouvelant en divers points du champ de bataille, j'osais conclure que les Xipéus se fatiguaient, que leur puissance de destruction ne dépassait pas une certaine limite. La seconde remarque, qui complétait heureusement la première, me fut fournie par un groupe de caldes. Ces pauvres gens, entourés de tous côtés par l'ennemi, perdant confiance dans leurs courts couteaux, arrachèrent des arbustes et s'enfuirent des massues à l'aide desquelles ils essayèrent de se frayer un passage. À ma grande surprise, leur tentative réussit. Je vis des Xipéus, par douzaines, perdre l'équilibre sous les coups et environ la moitié des caldes s'échapper par la trouée ainsi faite. Mais, chose singulière, ceux qui, au lieu d'arbustes, se servirent d'instruments d'airain, ainsi qu'il advint à quelques chefs, ceux-là se tuèrent eux-mêmes en frappant l'ennemi. Il faut encore remarquer que les coups de massue ne firent pas de mal sensible aux Xipéus, car ceux qui étaient tombés se relevèrent promptement et reprirent la poursuite. Je n'en considérai pas moins ma double découverte comme d'une extrême importance pour les luttes futures. Cependant, la débâcle continuait. La terre retentissait de la fuite des vaincus. Avant le soir, il ne restait plus, dans les limites Xipéus, que nos morts et quelques centaines de combattants montés aux arbres. De ces derniers, le sort fut terrible, car les Xipéus les brûlèrent vivants en convergeant mille feux dans les branchages qui les abritaient. Leurs cris effroyables retentirent pendant des heures sous le grand firmament. 3. Bakhoun élu. Le lendemain, les peuples firent le dénombrement des survivants. Il se trouva que la bataille coûtait 9000 hommes environ. Une évaluation sage porta la perte d'Xipéus à 600, de sorte que la mort de chaque ennemi avait coûté 15 existences humaines. Le désespoir se mit dans les cœurs. Beaucoup criaient contre les chefs et parlaient d'abandonner l'épouvantable entreprise. Alors, sous les murmures, je m'avançai au milieu du camp et je me mis à reprocher hautement aux guerriers la pusillanimité de leurs âmes. Je leur demandai s'il était préférable de laisser périr tous les hommes ou d'en sacrifier une partie. Je leur démontrai qu'en 10 ans, la contrée Zahelal serait envahie par les formes et en 20, le pays des Caldes, des Sars, des Pierrevannes et des Xisoastres. Puis, ayant ainsi éveillé leur conscience, je leur fis reconnaître que déjà 1/6 du redoutable territoire était revenu aux hommes, que par 3 côtés l'ennemi était refoulé dans la forêt. Enfin, je leur communiquai mes observations, et je leur fis comprendre que les Xipéus n'étaient pas infatigables, que des massues de bois pouvaient les renverser et les forcer de découvrir leurs points vulnérables. Un grand silence régnait sur la plaine. L'espoir revenait au cœur des guerriers innombrables qui m'écoutaient. Et pour augmenter la confiance, je décrivis des appareils de bois que j'avais imaginés, propres à la fois à l'attaque et à la défense. L'enthousiasme renaquit. Les peuples applaudirent ma parole et les chefs mirent leurs commandements à mes pieds. 4. Métamorphose de l'armement. Les jours suivants, je fis abattre un grand nombre d'arbres et je donnai le modèle de légère barrière portative dont voici la description sommaire. Un châssis long de 6, large de 2 coudées, relié par des barreaux à un châssis intérieur d'une largeur d'une coudée sur une longueur de 5. 6 hommes, 2 porteurs, 2 guerriers armés de grosses lances de bois obtuses, 2 autres également armés de lances de bois, mais à très fines pointes métalliques et pourvus en outre d'arcs et de flèches, pouvaient y tenir à l'aise, circuler en forêt, abrité contre le choc immédiat d'Excipéus. Arrivés à portée de l'ennemi, les guerriers pourvus de lances obtuses devaient frapper, renverser, forcer l'ennemi à se découvrir, et les archers lanciers devaient viser les étoiles, soit de la lance, soit de l'arc, suivant l'éventualité. Comme la stature moyenne d'Excipéus atteignait un peu au-delà d'une coudée ennemie, je disposai les barrières de façon que le châssis extérieur ne dépassât pas pendant la marche une hauteur au-dessus du sol de plus d'une coudée et un quart, et pour cela il suffisait d'incliner un peu les supports qui le reliaient au châssis intérieur porté à main d'homme. Comme d'ailleurs l'Excipéus ne savent pas franchir les obstacles abrupts ni progresser autrement que debout, la barrière ainsi conçue était suffisante pour s'abriter contre leurs attaques immédiates. Assurément, il ferait effort pour brûler les armes nouvelles, et en plus d'un cas, il devait y parvenir. Mais comme leur feu n'était guère efficace hors de portée de flèches, il leur faudrait se découvrir pour entreprendre cette calcination. En outre, celle-ci n'étant pas instantanée, on pourrait, par des manœuvres de déplacement rapide, s'y soustraire en grande partie. 5. La deuxième bataille. L'an du monde 22649, le 11e jour de la 8e lune. Ce jour a été livrée la seconde bataille contre l'Excipéus, et les chefs m'ont remis le commandement suprême. Alors j'ai divisé les peuples en trois armées. Un peu avant l'aurore, j'ai lancé contre Xur 40 000 guerriers armés selon le système des barrières. Cette attaque a été moins confuse que celle du 7e jour. Les tribus sont entrées lentement dans la forêt, par petites troupes disposées en bon ordre, et la rencontre a commencé. Elle a été tout à l'avantage des hommes pendant la première heure, l'Excipéus ayant été complètement dérouté par la tactique nouvelle. Plus de 100 des formes ont péri, à peine vengés par la mort d'une dizaine de guerriers. Mais la surprise passée, l'Excipéus se sont appliqués à brûler les barrières. Ils ont pu, en quelques circonstances, y parvenir. Une manœuvre plus dangereuse fut celle adoptée par eux vers la 4e heure du jour. Profitant de leur vélocité, des groupes de Xipéus serrés les uns contre les autres arrivaient sur les barrières, réussissaient à les renverser. Il périt de cette façon un très grand nombre d'hommes, si bien que l'ennemi, reprenant l'avantage, une partie de notre armée se désespéra. Vers la 5e heure, les tribus Ahelal de Kemar, de Djo, et une partie des Xisoastres et des Sars commencèrent la déroute. Voulant éviter une catastrophe, je dépêchai des courriers protégés par de fortes barrières pour annoncer du renfort. En même temps, je disposai la seconde armée pour l'attaque. Mais auparavant, je donnai des instructions nouvelles. C'est que les barrières devaient se maintenir par groupes aussi denses que le permettait la circulation en forêt et se disposer en carré compact dès qu'approchait une troupe un peu imposante de Xipéus, sans pour cela abandonner l'offensive. Cela dit, je donnai le signal. En peu de temps, j'eus le bonheur de voir que la victoire revenait au peuple coalisé. Enfin, vers le milieu du jour, un dénombrement approximatif, portant le nombre des pertes de notre armée à 2000 hommes et celle d'Excipéus à 300, fit voir d'une façon décisive les progrès accomplis et remplit toutes les âmes de confiance. Toutefois, la proportion varia légèrement à notre désavantage vers la 14e heure, les peuples perdant alors 4000 individus et l'Excipéus 500. C'est alors que je lançai le troisième corps. La bataille atteignit sa plus grande intensité, l'enthousiasme des guerriers grandissant de minute en minute jusqu'à l'heure où le soleil fut prêt à tomber dans l'Occident. Vers ce moment, l'Excipéus reprirent l'offensive au nord de Xur. Un recul des Dzoum et des Pyarvan me fit concevoir de l'inquiétude. Jugeant en outre que la nuit serait plus favorable à l'ennemi qu'au nôtre, je fis sonner la fin de la bataille. Le retour des troupes se fit avec calme, victorieusement. Une grande partie de la nuit se passa à célébrer nos succès. Ils étaient considérables. 800 Xipéus avaient succombé. Leur sphère d'action était réduite aux 2/3 de Xur. Il est vrai que nous avions laissé 7000 des nôtres dans la forêt, mais ces pertes étaient bien inférieures, proportionnellement au résultat, à celles de la première bataille. Aussi, rempli d'espoir, osais-je alors concevoir le plan d'une attaque plus décisive contre les 2600 Xipéus encore existants. 6. L'extermination. L'an du monde 22649, le 15e jour de la 8e lune. Quand l'astre rouge s'est posé sur les collines orientales, les peuples étaient rangés en bataille devant Xur. L'âme grandit d'espérance, j'ai fini de parler aux chefs. Des cors ont sonné, les lourds marteaux ont retenti sur les reins et la première armée a marché contre la forêt. Or, les barrières étaient plus fortes, un peu plus grandes et renfermaient 12 hommes au lieu de 6, sauf un tiers environ qui était construite d'après l'idée ancienne. Ainsi, elle devenait plus difficile à brûler comme à renverser. Les premiers moments du combat ont été heureux. Après la troisième heure, 400 Xipéus étaient exterminés et 2000 des nôtres seulement. Encouragé par ces bonnes nouvelles, je lançai le deuxième corps. L'acharnement de part et d'autre devint alors épouvantable, nos combattants s'accoutumant au triomphe, les antagonistes déployant l'opiniâtreté d'un noble règne. De la quatrième à la huitième heure, nous ne sacrifiâmes pas moins de 10 000 vies. Mais les Xipéus les payèrent de 1000 des leurs, si bien que 1000 seulement restaient dans les profondeurs de Xur. De ce moment, je compris que l'homme aurait la possession du monde. Mes dernières inquiétudes s'apaisèrent. Pourtant, à la neuvième heure, il y eut une grande ombre sur notre victoire. À ce moment, les Xipéus ne se montraient plus que par masses énormes dans les clairières, dérobant leurs étoiles, et il devenait presque impossible de les renverser. Animés par la bataille, beaucoup des nôtres se ruaient sur ces masses. Alors, d'une évolution rapide, un gros de Xipéus se détachait, renversant et massacrant les téméraires. Un millier périt ainsi, sans perte sensible pour l'ennemi. Ce que voyant, des Pierrevannes crièrent que tout était fini. Une panique prévalut qui mit plus de 10 000 hommes en fuite, un grand nombre ayant même l'imprudence d'abandonner les barrières pour aller plus rapidement. Il leur en coûta. Une centaine de Xipéus, mis à leur poursuite, abattit plus de 2 000 Pierrevannes et Zahelal. L'épouvante commença de se répandre sur toutes nos lignes. Quand les coureurs m'apportèrent cette funeste nouvelle, je compris que la journée serait perdue si je ne réussissais, par quelque rapide manœuvre, à reprendre les positions perdues. Immédiatement, je fis donner au chef de la troisième armée l'ordre de l'attaque et j'annonçai que j'en prendrais le commandement. Puis je portai rapidement ses réserves dans la direction d'où venaient les fuyards. Nous nous trouvâmes bientôt face à face avec les Xipéus poursuivants. Entraînés par l'ardeur de l'artillerie, ceux-ci ne se reformèrent pas assez vite et en peu d'instants, je les eus fait envelopper. Très peu échappèrent. L'acclamation immense de notre victoire alla rendre courage aux nôtres. Dès lors, je n'eus pas de peine à reformer l'attaque. Notre manœuvre se borna constamment à détacher des segments des groupes ennemis, puis à envelopper ces segments et à les anéantir. Bientôt, concevant combien cette tactique leur était défavorable, les Xipéus recommencèrent contre nous la lutte en petits corps et le massacre des deux règnes, dont l'un ne pouvait exister que par l'anéantissement de l'autre, redoubla effroyablement. Mais tout doute sur l'issue finale disparaissait des âmes les plus pusillanimes. Vers la 14e heure, c'est à peine s'il restait 500 Xipéus contre plus de 100 000 hommes, et ce petit nombre d'antagonistes était de plus enfermé dans des frontières étroites, un sixième environ de la forêt de Xur, ce qui facilitait extrêmement nos manœuvres. Cependant, le crépuscule ruisselait en rouge lumière à travers les arbres, et craignant les embûches de l'ombre, je fis interrompre le combat. L'immensité de la victoire dilatait toutes les âmes. Les chefs parlèrent de m'offrir la souveraineté des peuples. Je leur conseillai de ne jamais confier les destinées de tant d'hommes à une pauvre créature faillible, mais d'adorer l'unique et de prendre pour chef terrestre la sagesse. Chapitre 8. Dernière période du livre de Bakoun. La terre appartient aux hommes. Deux jours de combat ont anéanti les Xipéus. Tout le domaine occupé par les 200 derniers a été rasé. Chaque arbre, chaque plante, chaque brin d'herbe a été abattu. Et j'ai achevé pour la connaissance des peuples futurs, aidés par Loum, Asa et Simo, mes fils, d'inscrire leur histoire sur des tables de granit. Et me voici seul au bord de Xur dans la nuit pâle. Une demi-lune de cuivre se tient sur le couchant. Les lions rugissent aux étoiles. Le fleuve erre lentement parmi les saules et sa voix éternelle raconte le temps qui passe, la mélancolie des choses périssables. Et j'ai enterré mon front dans mes mains et une plainte est montée de mon cœur. Car maintenant que les Xipéus ont succombé, mon âme les regrette et je demande à l'unique quelle fatalité a voulu que la splendeur de la vie soit souillée par les ténèbres du meurtre.